إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله متخشف خير السر. Aujourd'hui, le vendredi 7 Ramadan de l'année 1441 de l'Hégire, correspondant au 1er mai 2020. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de poursuivre ensemble notre étude de la vie de notre noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on a parlé dans le cours précédent de ce qu'a subi Al-Nabi alayhi salatu wassalam quand il est parti vers la ville de Taif dans laquelle il a passé quelques jours afin de leur demander de lui accorder le soutien afin de propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accepter de lui l'islam, sinon au moins lui garantir la sécurité et lui permettre de propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chose qu'ils ont refusé, et non seulement ils ont refusé, mais ils lui ont fait beaucoup de mal. Au point où le Nabi alayhi salatu wassalam a cité ces jours-là comme les pires des journées qu'il a connues dans sa da'wah. Et que c'était pour lui pire que ce qu'il a connu dans la bataille de Uhud, comme il a dit à notre mère, رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها وأرضاها la pure, la sainte, qu'Allah l'agré et qu'Allah maudisse tous ceux qui l'insultent, رضي الله عنها وأرضاها. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un autre événement, et comme je voulais rappeler mes frères et sœurs, chaque point de la sira, surtout dans la période mécoise, a son poids dans la connaissance de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Cela ne veut pas dire minimiser ce qui va venir après parmi les conquêtes et tout ce qui a eu lieu à Médine. Mais Mecca, c'est la base de cette religion. C'est là où a commencé l'islam. C'est là où il y a eu les premières révélations. Et c'est là où les musulmans ont connu les plus grandes des épreuves. Et pendant cette période, ceux qui entraient dans l'islam, ils le faisaient pas comme ceux qui vont le faire par la suite. C'est pas le même mérite. Comme Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة. Ceux-là auront un degré plus grand et plus important, c'est-à-dire ceux qui sont entrés dans l'islam, yani dans cette période où c'était difficile. T'entres dans l'islam, tu rentres en conflit avec ta famille, avec ta tribu, et ainsi de suite. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer tous les compagnons de notre noble prophète alayhi salatu wassalam, radiyallahu anhum. Donc, après la mort, comme on a vu, après la mort de l'épouse du prophète alayhi salatu wassalam, Khadija, radiyallahu anha, et après la mort de son oncle également, Abu Talib qui est mort sur la mécréance. Et non pas comme le disent certains soufis, en se basant sur des textes et des hadiths mentis sur le prophète alayhi salatu wassalam. Comme quoi, il est entré dans l'islam. Et ça, c'est faux. Et on a vu quelques sagesses du fait qu'il soit mort dans la mécréance. Après la mort de l'oncle du prophète alayhi salatu wassalam, son protecteur à Mecca, et sa femme, son épouse Khadija radiallahu anha, et après ce qu'il a connu comme épreuve et comme difficulté dans la ville de Mecca et également dans la ville de Taif, après l'année 10 de la prophétie, Allah Azza wa Jal a permis à son voyage, à son prophète alayhi salatu wassalam, un voyage nocturne de Mecca vers la mosquée de l'Aqsa, la mosquée qui se trouve en Palestine, qui est la troisième mosquée méritoire dans l'islam, la troisième meilleure mosquée dans l'islam. Et de la Palestine, Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis cette ascension vers les cieux, où il a traversé les sept cieux, il est arrivé à un endroit où il entendait l'écriture des anges qui écrivaient ce que Allah subhanahu wa ta'ala décrète. C'est ce qu'on appelle en arabe al-isra'u wal-mi'raj. Al-isra'u wal-mi'raj. Al-isra', le voyage nocturne. Et le mi'raj, l'ascension. Et ça, c'est quelque chose d'immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala a permis à son prophète alayhi salatu wassalam, cet événement miraculeux. En une seule nuit, il va parcourir toutes ces distances, il va faire tous ses voyages en une seule nuit. Et ça, c'était un réconfort après toutes ces épreuves et ces difficultés qu'a connu le prophète alayhi salatu wassalam, et une forme de soulagement et d'allègement pour lui. Donc, l'Isra et le Mi'raj, c'est prouvé dans les textes, dans le Coran et dans la Sunna également authentique, dans plusieurs ahadith. En commençant par la Sunna, juste pour énumérer le nombre de textes dans lesquels cet événement est mentionné, dans l'authentique de l'imam al-Bukhari seulement, il y a 20 hadiths au sujet de l'Isra et le Mi'raj. Et dont ces 20 hadiths sont rapportés de 6 compagnons. Et dans l'authentique de l'imam muslim, il y a 18 hadiths qui sont rapportés de 7 compagnons, radiyallahu anhum. Par rapport au Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate l'Isra, Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlah linuriyahu min ayatina. Innahu huwa as-sami'ul basir. Donc dans le sens approximatif, Allah subhanahu wa ta'ala dit, gloire soit rendue à celui qui fait voyager son serviteur de nuit depuis la mosquée sacrée, la mosquée al-Haram à Mecca, à la mosquée al-Aqsa, dont nous avons béni les endroits et les environs pour lui montrer certains de nos signes. C'est lui qui entend tout et voit tout, subhanahu wa ta'ala. Donc, dans ce verset, Allah mentionne explicitement l'Isra, le voyage nocturne. Subhanalladhi asra bi'abdihi, qui fait voyager son serviteur de nuit, de la mosquée sacrée vers la mosquée al-Aqsa. Et vous constatez qu'Allah Azza wa Jalla a dit, Subhanalladhi asra bi'abdihi, il n'a pas dit avec l'âme de son serviteur. Et ça c'est conforme à Aqidat Ahl-Sunnah wal-Jama'a par rapport à l'Isra et le Mi'raj, c'est que ça s'est passé avec, yani c'était un voyage réel que le Nabi Al-Sallam a fait réellement et physiquement. C'est pour ça Allah Azza wa Jalla a dit avec, qui a fait voyager son serviteur, c'est-à-dire avec son corps réellement. Et il n'a pas dit avec son âme. Car il y a des égarés parmi les Mu'tazila, et ça c'était connu chez certains salaf, yani c'est rapporté de certains, mais Aqidat Ahl-Sunnah wal-Jama'a sur ce point, c'est que le Nabi Al-Sallam a fait ces deux voyages réellement. Et d'ailleurs, comme on va le voir, Quraysh, ils l'ont démenti, pas parce qu'il a dit qu'il a fait un rêve. Ils l'auraient jamais démenti par rapport à ça. Yani, qui peut démentir quelqu'un qui dit que dans un rêve, il est parti en Chine. Il est revenu en 5 minutes. Personne ne peut le démentir. Donc ils l'ont démenti justement parce qu'il a dit qu'il l'a fait réellement avec son corps, alayhi salatu wassalam. Donc on ne va pas s'attarder sur ça, c'est un point très clair. Il n'y a que le Mu'tazila qui ont renié al-Mi'raj avec l'âme. Yani, il n'y a que le Mu'tazila qui ont renié le Mi'raj avec le corps. Ils ont dit que c'était un rêve. Ils ont dit que c'était un rêve. Et certains parmi les Mu'tazila, ils ont affirmé le Mi'raj. Ils ont renié l'Isra. Ils ont renié l'Isra. Donc il y a des Mu'tazila qui renient l'Isra et le Mi'raj. Et il y a des Mu'tazila qui renient uniquement le Mi'raj. Et d'autres uniquement l'Isra. Et Kuffar Quraysh, ce qu'ils ont renié, c'est pas le Mi'raj. C'est l'Isra. Parce que c'est basé sur des choses qui peuvent réfuter, selon eux. Le Nabi Al-Sallam dit qu'il est parti vers cette mosquée, vers laquelle il n'a jamais voyagé auparavant. C'est pour ça qu'ils lui ont demandé de décrire la mosquée. Et il l'a décrit telle qu'elle est. Il a décrit la mosquée, et en plus il a décrit d'autres choses qu'il a vues dans ce voyage sur son chemin. Alayhi salatu wassalam. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, la description, elle est exacte. Après, yani, est-ce qu'on croit en lui ou pas, c'est une autre affaire. Mais la description, elle est exacte. Ils ont tous reconnu que la description est exacte. Il est rapporté dans l'ahadith authentique que le Nabi alayhi salam, quand ils lui ont demandé de décrire le Masjid Aqsa, Allah Azza wa Jal a ramené le Masjid Aqsa devant lui. Et il regardait et décrivait, alayhi salatu wassalam. Et Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. Par rapport à le Mi'raj, il a été décrit, et Allah subhanahu wa ta'ala a fait allusion à le Mi'raj dans Sourate An-Najm. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, والنجم إذا هوى. Par l'étoile, quand elle choix. يعني, quand elle décline. يعني, où elle tombe. ما ضل صاحبكم وما غوى. Votre compagnon, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ne s'est pas égaré, pas plus qu'il ne s'est fourvoyé. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ. Il ne prononce rien qui soit dû à la passion. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Il s'agit d'une révélation qui lui est inspirée. عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ. Celui qui l'a initié est d'une force inouïe. Jibril alayhi salam. ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ. Est d'une vigueur et force extrême. Il se manifesta. وهو بالأفق الأعلى. Alors qu'il se trouvait à l'horizon suprême. Ça c'est Jibril alayhi salam qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit ici. النبي عليه الصلاة والسلام a vu Jibril عليه السلام comme Allah l'a créé deux fois uniquement. Une fois c'était vers le début de la prophétie. Après l'arrêt de la révélation, il l'a vu cette première fois. Et la deuxième fois, c'est dans ce voyage nocturne et dans cette ascension. Et il l'a décrit, il a dit, Nabi alayhi salam, que Jibril alayhi salam a 600 ailes. Avec une aile, il ferme l'horizon. Tu ne vois plus rien. Et c'est l'ange le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et le plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a chargé de la mission la plus noble, qui est de transmettre la révélation aux prophètes et messagers. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit, ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى. Puis, il s'approcha et resta suspendu. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. Il était alors à une distance égale à la longueur de deux arcs. Ou en deçà encore. Ou une distance inférieure à celle-là encore. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. Donc tout ça, Allah il décrit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et Jibril alayhi sallam, dans le tafasir. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. Allah, par son intermédiaire, révéla à son serviteur ce qu'il révéla. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى. Le cœur ne peut mentir devant ce qu'il a vu. أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى. Allez-vous donc disputer de ce qu'il a vu, ceux qui l'ont démenti, de ce qu'il a vu de ses propres yeux. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى. Il l'avait déjà vu une autre fois, c'est celle que j'ai mentionnée au début de la prophétie. عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى. Près du lotus de la limite. عندها جنة المأوى. Auprès duquel se trouve le jardin de l'Ma'wa. إذ يغشى السدرة ما يغشى. Ce lotus était alors couvert de ce qui devait le couvrir. ما زاغ البصر وما طغى. Le regard du prophète عليه الصلاة والسلام n'a point dévié, ni transgressé les limites. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Ainsi, il a pu voir parmi les plus grands signes de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jal lui a permis de voir de ses signes pendant cette nuit parmi les plus grands signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme on a vu, il est arrivé à cet endroit qui s'appelle Sidrat al-Muntaha. Et il s'est approché tellement d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a entendu les anges qui écrivaient les décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons voir, quand l'imam Ibn Kathir va en parler, est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah avec ses yeux cette nuit ou pas? Est-ce qu'il y a une divergence à ce sujet entre Al-Sunnah wal Jama'a ou pas? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous l'avez compris, dans ces versets de Surat al-Najm, il parle bien de le mi'raj, de l'ascension. Et comme j'ai dit, le voyage nocturne et l'ascension chez Al-Sunnah wa Jama'a ont eu lieu avec le corps du prophète alayhi salatu wa salam. C'était un voyage réel. Et c'est ça qui a poussé Quraysh à démentir. Et c'est ça qui a poussé Quraysh à démentir. C'est pour ça qu'il a été rapporté que Abu Jahl, quand il a entendu que le Nabi alayhi salatu wassalam, Nabi alayhi salatu wassalam, bien évidemment, à son retour de ce voyage, il était comme dans une tristesse. Il se préparait à ce qu'il attend. Quand il va raconter aux gens ce qu'il a traversé et tout ce qu'il a vu, il s'attendait à ce qu'il le démente. Et c'est pour ça que ça l'avait attristé, alayhi salatu wassalam. Et il était assis quand Abu Jahl a appris que le Nabi alayhi salam dit qu'il a fait un voyage vers la Palestine, il est venu le voir en personne, ce grand ennemi d'Allah. Et il lui a dit, c'est vrai ce que tu dis, que tu as fait un voyage jusqu'à la Palestine en une seule nuit? Bien évidemment, ce voyage, eux, ils le font en 2 mois, à peu près. Il lui a dit, est-ce que c'est vrai? Il a dit oui. Et le Nabi alayhi salam lui a raconté les événements. Et quand il lui a dit ça, il lui a dit, Abu Jahl, si je réunis et je rassemble les gens, est-ce que tu peux leur raconter ce que tu viens de me raconter? Le Nabi alayhi salam lui a dit oui. Et il a été chercher du monde, il leur a dit, venez, écoutez ce que dit ce menteur, mensonge duquel Allah subhanahu wa ta'ala l'a préservé, l'a purifié, alayhi salatu wassalam. Et quand ils ont entendu ça, il y a des gens qui ont dit, est-ce qu'on va croire Muhammad avec ce qu'il dit? Et dans une version qui a été rapportée dans le musnad de l'imam Ahmad, il est dit, je vais vous lire ce qui est dit, parce que c'est une phrase, yani, faut bien la comprendre. Il a dit, فقال ناس نحن نصدق محمدا بما يقول, est-ce qu'on va croire en ce que Muhammad dit? Donc il a dit des gens, et qui ont dit, qui se sont posé la question, est-ce qu'on va le croire? Bien évidemment, sahaba radiallahu anhum ne vont pas parler comme ça. Et donc, il est dit, فَارْتَدُّوا كُفَّارًا فَضَرَبَ اللَّهُ أَعْنَاقَهُمْ مَعَ أَبِي جَهْلٍ. Hadith 3546 dans le musnad de l'imam Ahmad. Avec une chaîne de transmission authentique. Donc, ils se sont apostasiés et Allah les a fait périr avec Abu Jahl. La signification de « ils ont apostasié », c'est que ils se sont enfoncés encore plus dans la mécréance et dans l'apostasie. Même si certains l'ont compris que ce sont des compagnons qui ont apostasié quand ils ont entendu ça. Mais ce que la plupart des savants disent, ils disent non, ça c'est des mécréants à la base, mais qui sont devenus encore beaucoup, encore plus mécréants à l'écoute de cette histoire. Et comme si ça les a réconfortés dans leur mécréance, ils ont dit voilà, nous on avait cru en lui, regarde, c'est vrai, on n'a jamais trouvé sur lui un mensonge, mais regarde ce qu'il raconte maintenant. Et pourtant, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de décrire la mosquée de l'Aqsa, parce qu'ils savent qu'il n'a jamais mis le pied dans cette mosquée. Et il l'a décrit exactement comme elle est. C'est pour ça qu'ils ont dit dans une version rapportée par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim, ils ont dit « Amma al-na'tu faqad wallahi asab ». En ce qui concerne la description, par Allah il a dit vrai. Et qu'est-ce que vous voulez de plus? Ça, c'est le doute qu'ils avaient dans leur cœur. Et subhanallah, il est rapporté que Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu, quand il a entendu, quelqu'un est venu le voir, il lui a dit, tu sais ce que dit ton compagnon, en parlant du prophète, alayhi salatu wassalam, il lui a dit, qu'est-ce qu'il dit? Et il lui a dit, il dit ça et ça et ça. Il a dit, sans hésitation, il a dit, radiallahu anhu, s'il dit ça, c'est qu'il dit vrai. S'il dit ça, c'est qu'il dit vrai. Et également, il a dit, Abu Bakr, radiallahu anhu, dans cette grande épreuve, il a dit, Wallahi la in kana qalahu laqad sadaq, wa ma yu'jibukum min dhalik. Si par Allah il a dit ça, c'est qu'il dit la vérité. Et qu'est-ce qui vous étonne en cela? Il est parti en une nuit vers la Palestine. Et après, il est monté au septième ciel. Qu'est-ce qui vous étonne en cela? Qu'est-ce que vous trouvez surprenant en cela? Et ensuite, il a dit par Allah, moi, il m'informe que les nouvelles du ciel lui parviennent sur terre en un petit laps de temps, de jour comme de nuit, et je crois en lui. Et ça, c'est beaucoup plus étonnant et beaucoup plus surprenant que cette histoire de l'ascension et le voyage nocturne. Subhanallah. Regardez mes frères et mes sœurs, la foi, quand elle est ancrée dans le cœur, et il est rapporté également de Abu Bakr. Il est rapporté de Abu Bakr radiallahu anhu dans Mustadrak al-Hakim avec une chaîne de transmission bonne. Il est rapporté que ensuite Abu Bakr est venu voir le prophète alayhi salatu wa salam et il l'interrogeait au sujet de l'Isra et le Mi'raj. Et à chaque fois que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit une chose, il lui dit, Abu Bakr radiallahu anhu, t'as dit vrai, et je témoigne que t'es le messager d'Allah. Et je témoigne que t'es le messager d'Allah. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a fini, il lui a dit, et toi, ô Abu Bakr, t'es le véridique. Et c'est pas la première fois qu'il l'a appelé Siddiq, comme les savants le précisent, parce qu'il avait fait ses preuves dans d'autres événements précédents. Mais ce jour-là, c'était encore une fois le grand siddiq de cette communauté, le grand véridique de cette communauté, radiallahu anhu arda. Donc, on va revenir à ce que l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, mais avant d'entamer, j'ai oublié de vous préciser que si jamais vous avez un point qui n'a pas été clair ou que j'ai passé rapidement, n'hésitez pas à me l'écrire sur la page de la radio Al-Imam Malik. N'hésitez pas à l'écrire en arabe ou en français sur cette page. Et si Allah me permet de voir avant de terminer, j'y répondrai. Bien évidemment, des points qui concernent le cours qu'on est en train d'étudier. J'essaierai de le clarifier plus, parce que ça, je sais que ça m'arrive assez souvent. Sira, mes frères, est très riche. On ne peut pas tout citer, sinon ça va être un très grand cours. L'objectif de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, à travers ce livre, et c'est notre objectif également, c'est de voir les grandes lignes de la biographie. Et celui qui va suivre avec nous ce cours, bi'idnillah, il sera pas ignorant d'un événement important dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Et de quelque chose importante dans la vie du prophète alayhi salatu wassalam et de ce qui a été rapporté authentiquement. De ce qui ne l'est pas. Et on se limite à ce qui est rapporté authentiquement, excepté des fois, comme j'ai cité l'islam de Umar, parce que la plupart des savants le mentionnent, même si c'est pas rapporté avec une chaîne authentique, mais il n'y a pas de hukm qui sera basé sur cette histoire. Il n'y a pas de hukm. Quand il s'agit de ahkam, les jugements, il faut que ce soit basé sur des choses authentiques uniquement. Et parmi les points qu'un frère m'a envoyé, c'est quand j'ai parlé de Tufayl ibn Amr al-Dawsi, radiallahu anhu. Quand j'ai parlé de Tufayl ibn Amr al-Dawsi, radiallahu anhu, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a fait da'wa et qu'il est entré dans l'islam et qu'au début, Kuffar Quraysh l'avait mis en garde contre le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam et comme quoi c'est un sorcier et qu'il fallait pas l'écouter. Mais qu'il s'est résigné à écouter le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et à voir ce qu'il a. Parce que c'est un homme sage et qui racontait les sagesses de Luqman comme on a vu. Et le frère a dit, est-ce que cet homme, c'est le même que Dhimad? Est-ce que c'est la même histoire que ce qui a été rapporté par rapport à Dhimad? ضماد ابن ثعلبة الأزدي رضي الله عنه. Non, ce ne sont pas les mêmes histoires, ce sont deux hommes différents, deux compagnons différents. Dhimad, son histoire, Dhimad d'abord c'est un homme qui avait des liens d'amitié avec le Nabi alayhi sallam avant qu'il devienne prophète. Et c'est un homme qui était connu dans le Jahiliya pour pratiquer la ruqya. C'est un homme intelligent, sage et qui était le maître de sa tribu. Et qui pratiquait la ruqya dans le jahiliya. Et à chaque fois qu'on peut nommer une chose par son nom arabe, c'est meilleur. Parce que mes frères, n'oubliez jamais que les cours en français, c'est une phase, c'est une passerelle qu'on doit passer et arriver à écouter les cours en français. Les cours en français, c'est pas toute notre vie. C'est une période dans laquelle on va acquérir les bases de l'islam en attendant de maîtriser la langue arabe, chose qu'on doit tous faire, car c'est une obligation. C'est une obligation, comme a dit Cheikh Islam Taymiyyah rahimahullah. Donc, les cours en français, c'est une passerelle, une étape qui va t'aider, bi'idnillah, qui est censée t'aider à acquérir les bases de l'islam, et tu vas pas devenir un savant en français. Tu vas pas commencer à étudier des grands livres en français. Ça, c'est une erreur méthodologique. L'apprentissage en français, c'est pour acquérir les bases. Après, tu dois te lancer à fond dans l'apprentissage de l'arabe. Et comme je vous ai dit, je le répète souvent, Nawawi rahimahullah dans le Majmou', quand il a parlé de la conquête des terres non arabes, il a parlé de l'imam. Il leur fait khutbat al-jumu'ah pendant 2 ans maximum dans leur langue. Et après, il l'a fait en arabe. Parce qu'en 2 ans, tu peux acquérir les bases de la langue arabe. Et tu deviendras capable d'écouter les hommes de science et de profiter d'eux directement sans passer par un traducteur et ni être dépendant de sa compréhension. Parce que quand on traduit, on traduit notre compréhension. Si elle est bonne, alhamdulillah. Si elle ne l'est pas, qadarullah. C'est pour ça que tu dois arriver à ça. Et tu dois te fixer cet objectif, que tu sois un frère ou une sœur. Et quand on apprend l'arabe, parmi les grosses erreurs que je vois, même chez certains de mes frères qui étudient le jami'a, qui arrivent à des niveaux magistères, c'est qu'ils parlent tout le temps entre eux en français. Et ça, c'est une erreur. Contrairement à d'autres frères que j'ai connus, qui sont des purs français. En 1 année, 2 ans, ils étaient capables de parler l'arabe et de comprendre l'arabe. Parce qu'ils se sont imposé une chose, c'est que dès qu'ils sont entrés dans l'apprentissage de la langue arabe, ils ne parlaient qu'en arabe. Excepté une chose qu'ils ne connaissaient pas encore avant. Et la langue, c'est la pratique, et pas la théorie. Pour ça, tu trouves des gens qui ont un niveau pour traduire. Mais quand ils parlent, il y a un naqs dans sa façon de parler, de s'exprimer. Parce qu'il n'est pas habitué à parler en arabe. Tu dois parler en arabe. Et tu dois apprendre l'arabe. Et tu dois savoir qu'on doit arriver à prendre la science des hommes de science directement. Et c'est pas parce que tu vas arriver à ce niveau-là que tu vas dénigrer tes frères qui essayent de faire des efforts dans la traduction, chacun selon son niveau. Quelqu'un peut dire, si on fait ça, les gens comme toi vont chômer. Ne vous inquiétez pas, par la grâce d'Allah, il va y avoir toujours des gens qui, nouveaux dans l'islam, qui vont avoir de ces petits efforts que nous faisons. Traduire yani, les choses basiques et fondamentales pour le nouveau musulman qu'il doit connaître de l'islam. Donc je ferme cette parenthèse et je disais que l'Isra et le Mi'raj, donc il a eu lieu après l'année 10 par rapport à la détermination, que ce soit de l'année, du mois, du jour, de la date du jour, il n'y a rien qui est rapporté authentiquement. Tout ce qu'on connaît, c'est que l'Isra et le Mi'raj a eu lieu après l'année 10 de la prophétie. Par contre, ce qui est dit, comme quoi l'Isra, il a eu lieu le 27 Rajab. Ça, comme a dit Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah, Cheikh Ibn Baz, ça c'est pas authentique. C'est pas authentique. Mais la chose la plus juste, mais elle n'est pas authentique non plus. Mais le mieux de ce qui a été rapporté par rapport à la détermination, c'est le 12 Rabi' al-Awwal. Un lundi, la nuit du lundi 12 Rabi' al-Awwal. Et l'année n'a pas été déterminée, mais même ça, ça a été rapporté de Abdullah ibn Abbas et de Jabir radiallahu anhuma, mais avec une chaîne qui n'est pas continue jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. Mais ça, c'est la meilleure chose qui a été rapportée, qui n'est pas authentique non plus. Le reste, c'est des mensonges. C'est des mensonges. Donc, regardez un deuxième point. On a vu un autre point précédent similaire par rapport à la détermination de la date du jour dans lequel est né le prophète alayhi salatu wassalam. Il y a une grande divergence également, et on ne peut pas dire quelque chose avec certitude à 100%, mais le plus authentique, ça a été rapporté d'un grand tabi'i, que le prophète alayhi salatu wassalam est né le 8 Rabi' al-Awwal. Ici, également la même chose. Qu'est-ce qu'on déduit? On va faire la même déduction qu'on a fait dans la naissance du prophète alayhi salam. C'est qu'il n'y a pas une adoration qui est liée à ce jour-là. Sinon, sahaba radiallahu anhu nous aurait rapporté la date. Il n'y a pas d'adoration liée à l'Isra et le Mi'raj. Sahaba nous ont rapporté le Nabi sallallahu alayhi wa sallam quand il est assis dans la salat, que ce soit quand il fait teshahud ou quand il fait la prosternation, ils nous ont décrit même le sens vers lequel il oriente ses orteils. Ils nous ont donné des détails très précis et très minutieux par rapport à tout ça. Par contre, ils nous ont rien dit par rapport à ces dates. C'est qu'il n'y a pas d'adoration liée à ces dates. Et de là, on déduit que ceux qui fêtent la nuit de l'ascension et du voyage nocturne, ils font une chose qui n'est pas légiférée, une innovation dans la religion d'Allah, sur laquelle il n'y a pas d'argument ni de preuve. Et par rapport à l'Isra ou le Mi'raj, Après la prière de l'Isha de cette nuit dans laquelle il y a eu ce voyage nocturne, Jibril alayhi salam est descendu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il est descendu dans sa maison. Et il a fait une ouverture dans le toit de la maison du prophète alayhi salatu wa sallam. Il a fait une ouverture dans le toit de la maison du prophète alayhi salatu wassalam. Et ensuite il a pris le prophète alayhi salatu wassalam et il a ouvert sa poitrine. Et ça, on l'a vu, que le Nabi alayhi salatu wassalam a subi l'ouverture de la poitrine deux fois dans sa vie, pendant qu'il était dans la tribu de Bani Sa'd chez sa nourrice Halima Sa'diya, et la deuxième fois c'est vers l'âge de 50 ans, après 50 ans, en le préparant à ce voyage nocturne. Et Jibril alayhi salam a ouvert sa poitrine, il a sorti son cœur, il l'a lavé avec l'eau de Zamzam, et ensuite il a pris un récipient en or rempli avec la sagesse et la foi, il l'a versé dans son cœur. Il l'a versé dans son cœur. Un récipient rempli avec l'iman et l'hikmah. Et Jibril alayhi salam a versé tout ça dans son cœur, il a remis son cœur à sa place et il a yani fermé et ensuite il l'a pris par la main et ils ont commencé ce voyage ensemble. Ceci est rapporté dans les deux authentiques. Ceci est rapporté dans les deux authentiques. Et ce voyage a eu lieu, il dit l'imam Ibn Kathir, avec le corps du prophète alayhi salatu wassalam, dont l'avis le plus juste parmi les avis des compagnons radiallahu anhum et des savants. Ce qui est rapporté des compagnons, jusqu'à maintenant, j'ai pas vu quelque chose qui est rapporté authentiquement. J'ai pas vu quelque chose qui est rapporté authentiquement, mais Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah a dit dans Fath al-Bari, il a dit Al-Isra wa al-Mi'raj waqa'a fi laylatin wahida fi al-Yaqadha bi jasad an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ruhihi ba'da al-ba'th. وإلى هذا ذهب الجمهور من علماء المحدثين والفقهاء والمتكلمين وتواردت عليه ظاهر الأخبار الصحيحة. Le voyage nocturne et l'ascension ont eu lieu en une seule nuit. Et Nabi عليه الصلاة والسلام était éveillé. C'est pas dans un rêve. Et ça s'est fait avec son corps et non pas avec son âme. Après qu'il soit devenu prophète. Et on a vu que c'est plus précisément après l'année 10 de la prophétie. Et il dit que cet avis, c'est l'avis de la plupart des savants parmi les muhaddithin, les juristes et les mutakallimin, et que les dalils sur cela sont extrêmement nombreux. Après donc le voyage, il a commencé de la maison du prophète alayhi salatu wassalam à Mecca, à côté de la Kaaba, donc vers la Palestine, Et Nabi alayhi salatu wassalam est monté en compagnie de Jibril alayhi salam sur un buraq. Donc il est parti en compagnie de Jibril alayhi salam et il est monté alayhi salatu wassalam sur le buraq. Le buraq, c'est une bête, une monture sur laquelle est monté le Nabi alayhi salam, qu'il a décrit dans un hadith rapporté dans les deux authentiques. Il a dit que c'est une monture plus grande que l'âne, plus petite que le mulet. Elle est blanche, de couleur blanche, et son pas atteint là où arrive sa vue. Là où arrive sa vue. Le dernier point que cette monture voit, c'est là où elle fait un pas. Et ainsi de suite. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été appelée Al-Buraq. Al-Buraq, c'est dérivé de Al-Barq, la foudre, à cause de sa rapidité. Donc ça, c'est ce qui est rapporté authentiquement dans la description de cette monture. Une fois arrivé en Palestine, devant Al-Masjid Al-Aqsa, la mosquée de Al-Aqsa, Nabi alayhi salam a prié là-bas. Il a dirigé tous les prophètes dans cette mosquée. Allah Azza wa Jalla lui a réuni tous les prophètes réellement également. Et il les a dirigés dans une salat, alayhi salatu wassalam. Et après cette salat, Jibril alayhi salam lui a ramené deux récipients, dont un il y a du vin, et dans le deuxième il y a du lait. Dans un il y a du vin, et dans l'autre il y a du lait. Et Nabi alayhi salam a choisi le lait. Et Jibril alayhi salam a approuvé cela, il a dit ça c'est la nature humaine saine. T'es en accord avec la nature humaine saine. Ceci est rapporté également dans les deux authentiques. Et de là, Nabi alayhi salam, bien évidemment, il a attaché cette monture. Il l'a laissé à côté de le Masjid al-Aqsa. Il l'a attaché. Et on prend de ça comme leçon, c'est de tawakkul ne contredit pas le fait de faire des causes. Quelqu'un qui a un tawakkul, ça signifie pas qu'il va négliger les causes. Il fait les causes tout en plaçant sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et en remettant toutes ses affaires à lui subhanahu wa ta'ala. Et au contraire, celui qui fait les causes, c'est un signe qu'il a un bon tawakkul, qu'il a le vrai tawakkul. Amma celui qui néglige les causes sous prétexte qu'il est mutawakkil, ça, salaf l'appelait mutawakkil. Et non pas mutawakkil. C'est quelqu'un qui compte sur les gens. Et non pas quelqu'un qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et de là, Nabi alayhi salatu wa salam est monté vers les cieux. Il est arrivé tout d'abord au premier ciel, le ciel de ce bas monde. Et il y a une chose que vous devez savoir sans aucun doute, mais comme il y a des gens qui croient que les sept couches atmosphériques, ce sont les sept cieux. Et ça, c'est une ignorance extrêmement grave. C'est quelque chose que, yani, parmi les grandes ignorances que t'entends. Ce qu'il faut savoir, mes frères et sœurs, c'est que les sept cieux, personne ne peut les pénétrer. Même le Nabi, alayhi salatu wassalam, avec son statut auprès d'Allah, dans ce voyage, dans cette ascension, au premier ciel déjà, Jibril, alayhi salam, a toqué. Et c'est l'ange qui est chargé de ce ciel, qui lui a demandé qui c'était, il a dit Jibril, il a dit, et avec qui? Il a dit avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, est-ce qu'Allah lui a permis, il lui a autorisé de venir? Il a dit, na'am. Et c'est là où il lui a ouvert. Personne ne peut pénétrer les sept cieux. Un ciel, son épaisseur est de 500 ans de marche. 500 ans de marche, son épaisseur seulement. Chaque ciel parmi les sept cieux. Tout ce qu'on voit, tout l'univers, qu'ils disent qu'il n'a pas de fin, ça, c'est en dessous du premier ciel. Et le premier ciel, le ciel du bas monde, c'est le toit de tout cet univers. C'est le toit de tout cet univers. Et tout cet univers comparé au premier ciel, c'est insignifiant en taille. C'est insignifiant en taille. Donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est arrivé au premier ciel dans lequel il a vu notre père Adam alayhi salam. Et à chaque fois qu'il voit un prophète, il lui passe salam et certains parmi eux lui ont donné des conseils. Et dans le deuxième ciel, il a vu Isa alayhi salam et Yahya, qui sont des neveux. Isa et Yahya, leur mère, ce sont des sœurs. Maryam et la mère de Yahya, ce sont des sœurs. Ensuite, il est arrivé au troisième ciel. Et dans chaque ciel, Nabi alayhi salam a décrit. Il a décrit comment il était, Isa alayhi salam. Dans le troisième ciel, il a vu Yusuf alayhi salam. Il a dit qu'Allah lui a donné la moitié de la beauté qu'il a donnée à l'humanité, à toute l'humanité. La moitié de la beauté. Utiya shatr al-jamal. Allah lui a donné la moitié de la beauté. Et dans le quatrième ciel, il a vu Idris alayhi salam. Dans le cinquième, il a vu Harun alayhi salam. Dans le sixième, il a vu Moussa alayhi salam. Et dans le septième, il a vu Ibrahim alayhi salam. Et ensuite, il est monté jusqu'à cet arbre qui est appelé Sidrat al-Muntaha, ce lotus, dans le paradis. Il est monté jusqu'à cet arbre qui s'appelle Sidrat al-Muntaha, le lotus. Et là, il a vu Jibril alayhi salam tel que Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé une deuxième fois. Et c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala lui a prescrit la salat. La salat, elle a une particularité une exception comparée à toutes les législations de l'islam. C'est qu'elle a été prescrite directement de Allah subhanahu wa ta'ala à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sans l'intermédiaire de Jibril. Et qu'elle a été prescrite dans le septième ciel, et non pas sur terre. Donc Allah lui a prescrit 50 salats. Et en descendant, il a vu Moussa alayhi salam, il l'a vu dans le sixième ciel, il lui a dit, qu'est-ce qu'Allah t'a prescrit? Il a dit la salat. Il lui a dit combien? Il lui a dit 50. Il lui a dit, retourne vers Allah et demande l'allègement. Car ton peuple ne pourront pas 50 salats. Et moi j'ai demandé à mon peuple moins, beaucoup moins que ça, ils n'ont pas pu. Et là on voit la rahma et la miséricorde qu'ont les prophètes envers les gens. Et effectivement, Nabi Aïssa salam n'a cessé de faire des allers-retours entre Allah subhanahu wa ta'ala et Moussa alayhi salam en demandant l'allègement jusqu'à ce que ça ait été allégé à 5. Ça a été allégé à 5. Et c'est là, c'est allégé à 5 dans la pratique, mais dans la récompense, c'est resté la récompense de 50. Alhamdulillah. Et les savants ont divergé, est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a vu Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Ils ont divergé au sujet de ce point. Mais est-ce qu'il y a une divergence entre les compagnons? Ce que dit le muhaqiqoun, c'est que les compagnons n'ont pas divergé au sujet de ce point. Même s'il y a des choses rapportées d'eux qui laissent entendre une divergence. Mais en réalité, les sahaba qui ont dit que le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas vu Allah, tel que Aisha radiallahu anha et tel que Ibn Mas'ud radiallahu anhu, et tel que Abi Dharr radiallahu anhu et d'autres, ceux-là, ils disent qu'il ne l'a pas vu avec ses yeux. Et ceux qui disent qu'il l'a vu, c'est rapporté d'eux d'une manière authentique qu'ils disent qu'il l'a vu avec son cœur. Ça veut dire que c'est une vision scientifique et non pas une vision réelle avec les yeux. C'est ce qu'ils voulaient dire. C'est pour ça, dans certaines versions, ils ont dit, comme de Abdullah ibn Abbas, de qui il s'est rapporté cela, des fois il dit, le prophète alayhi salatu wassalam a vu Allah. Et ça, c'est rapporté d'une manière authentique de lui, dans l'authentique de l'imam ibn Khuzayma, et dans Jami' al-Tirmidhi et Sunan al-Nasa'i. Mais c'est rapporté de lui, dans l'authentique de l'imam muslim, il dit, il l'a vu avec ses yeux, avec son cœur, afwan. Il l'a vu avec son cœur. C'est-à-dire, c'est une vision scientifique. Il a vu l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a vu la gloire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a vu la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers toutes ces créatures qu'il a vues. Alayhi salatu wassalam. Donc, on sort avec une conclusion qu'il n'y a pas de divergence entre les compagnons à ce sujet. Et de manière générale, même ce sujet ne fait pas partie des bases de l'aqidah. Est-ce que le Nabi Aïssa sallam a vu Allah ou pas? C'est pas une base de l'aqidah. C'est un point qui est lié à une question de l'aqidah. Quelle est la différence? La différence, mes frères, c'est que l'aqidah ici, c'est est-ce qu'on voit Allah ou pas? Al-Sunnah, ils disent on le voit. Pas dans le dunya, mais dans l'akhirah. Al-Mu'tazila et d'autres égarés disent, Al-Jahmiya, ils disent, on ne voit pas Allah. Ceci est impossible. Donc c'est ça la question de l'aqidah. Donc celui qui dit que le prophète alayhi sallam n'a pas vu Allah dans ce voyage, il ne dit pas que la vue d'Allah est impossible dans l'akhirah. Comme celui qui dit qu'il l'a vu ici, bien évidemment pour lui, la vue d'Allah est possible dans l'akhirah. Donc ça c'est la question de l'aqidah. Et Est-ce qu'il l'a vu dans l'ascension ou pas? C'est un point qui est lié à une question de aqidah. Comme ça, j'ai entendu et m'a dit notre noble cheikh Abdallah al-Bukhari, qu'Allah le préserve. Et il y a des mubtadi'a et des égarés qui profitent de certains points comme ça, la vision d'Allah Azza wa Jal de la part du prophète alayhi salam dans l'ascension. Est-ce que le châtiment dans la tombe, il est sur le corps, ou il est sur l'âme, ou il est sur les deux? Et est-ce que les mécréants verront Allah dans l'akhirah ou pas? Ça, c'est des points dans lesquels il y a divergence. Et il profite de ces points pour dire que sahaba ont divergé dans l'aqidah. Et ça, c'est un mensonge parmi les plus grands des mensonges que tu puisses entendre. Sahaba n'ont jamais divergé sur une question de aqidah. Et la divergence sur ces points, de la même manière que je vous ai expliqué par rapport à la vision d'Allah, ce n'est pas une divergence dans l'aqidah. Parce que celui qui dit que le châtiment, il est sur l'âme, ou il est sur le corps, ou il est sur les deux, et sur les deux c'est la vie juste, il dit, parmi al-sunnah wal-jama'a, il dit et il croit au supplice et au délice de la tombe. Et c'est ça la question de l'aqidah, dans laquelle ne sont pas en accord avec nous les égarés, parmi al-jahmiya, wal-mu'tazila et autres. Est-ce que le kuffar verront Allah dans l'akhirah? Naam, il y a une divergence à ce point-là. Il y en a qui disent qu'ils ne le verront pas. Et d'autres disent qu'ils le verront, mais c'est une vision et une vue qui sera un châtiment pour eux. Qui sera un châtiment pour eux. Et tous les savants de Al-Sunnah, que ce soit ceux qui ont cet avis ou l'autre, ils sont unanimement d'accord que Allah se voit dans l'Akhirah. Et c'est la plus grande des ni'ams qui existe dans l'Akhirah. C'est meilleur que tout ce que tu as dans le Jannah. Le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous accorde sa vision. Et qu'Allah fasse qu'on soit parmi ceux qui jouiront de la vision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qui seront comblés par cette ni'ma immense. Et parmi les causes pour y arriver dans le dunya, c'est de faire salawat à l'heure de manière générale, et en particulier salat al-fajr et salat al-asr. Et il y a d'autres causes également. Donc, rapporté dans l'authentique de Muslim, et ça met fin à toute divergence au sujet de est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vu Allah ou pas dans l'ascension. C'est ce qui est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim selon Qatada radiyallahu anhu, que Abu Dharr radiyallahu anhu a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit: est-ce que tu as vu ton Seigneur, c'est-à-dire dans la nuit de l'ascension? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: nourun anna arah, nourun anna arah, une lumière, comment puis-je le voir? Et dans une autre version, dans l'authentique de l'imam Muslim également, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'ai vu une lumière, car Allah subhanahu wa ta'ala est voilé avec une lumière. Et s'il retire ce voile de lumière, tout brûlera. Tout brûlera. Subhanahu wa ta'ala. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a vu le voile d'Allah. Il a vu la lumière qui voile Allah subhanahu wa ta'ala, avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala se voile de ses créatures, et qui ne l'a pas vu directement, mais il a parlé avec Allah directement, sans intermédiaire. Il a parlé avec Allah subhanahu wa ta'ala directement, sans intermédiaire. Et quand le Nabi a raconté ce qui s'est passé dans cette nuit de l'ascension, certains, yani, comme on a vu, qui sont des mécréants à la base, se sont enfoncés encore plus dans la mécréance et ils ont démenti le prophète alayhi salatu wassalam et ils lui ont causé beaucoup de préjudices par rapport à ce qu'il a raconté. Et certains même, ils ont osé des choses à son encontre, alayhi salatu wassalam. Ils ont osé lui faire du mal et des insultes, alayhi salatu wassalam. J'avais l'intention de parler également de da'wah du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais on va s'arrêter ici pour que ça ne devienne pas lourd et pour que ça ne dure pas très très longtemps non plus. Mais sira, c'est vrai que quand on parle de sira, on ne se lasse pas. Et quand j'assistais au cours de nos savants dans lesquels ils parlent de sira al-Nabawiya, t'as pas envie qu'ils terminent. Et j'avais commencé, subhanallah, je viens d'y penser à l'instant, j'avais commencé de parler de l'histoire de Dimad. Dimad ibn Tha'laba al-Azdi, radiyallahu anhu. Et que cet homme, c'était un ami de Nabi alayhi sallam avant l'islam. Et qu'il était connu par faire ruqya. Et c'est là où j'ai commencé à parler de la langue arabe et que j'ai perdu le fil ensuite. Quand il y a des choses comme ça, barakallahu fikoum, aidez-moi en m'envoyant un message, comme je vous ai dit dans les discussions de la radio l'Imam Malik. Donc, cet homme, il entendait tellement que le Nabi alayhi salam était touché par la folie, était touché par le djinn, et moi j'aime pas dire possédé par le djinn. Car un djinn, il ne peut jamais posséder un croyant. Mais il le touche. Comme Allah dit dans le Coran. الَّذِينَ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الْجِنِّ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَالَّذِينَ إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ. Donc Allah Azza wa Jal l'a nommé comme ça. Il est touché par le djinn. Donc il entendait des choses comme ça au sujet du prophète alayhi salam. Et lui, c'est quelqu'un qui veut le bien. Il a dit, tiens, je vais aider le Nabi alayhi salam. Il est parti le voir, il lui a dit, ô Muhammad, j'ai entendu que t'étais touché par la folie, t'étais touché par le djinn. Alors, je te propose une ruqya, de te faire ruqya. Car Allah a guéri beaucoup de gens par ma cause. Peut-être tu seras également parmi ceux qui guériront. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, il lui a dit, écoute de moi. Et il lui a cité khutbat al-haja. Il a dit, inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Quand il a entendu ça, il a dit, par Allah, j'ai entendu les paroles des devins, j'ai entendu les paroles des sorciers, j'ai entendu les paroles des poètes. Ce que tu as dit ne ressemble en rien à tout ça. Donne-moi ma main. Je te fais pacte d'allégeance sur l'islam. Et j'entre dans l'islam. Le Nabi alayhi salatu wassalam lui a dit, pour toi seul ou pour toi et ton peuple? Il a dit, pour moi et pour mon peuple. Et il est entré, lui, ainsi que toute sa tribu dans l'islam, suite à l'écoute de Khutbat al-Haja. Car c'était des Arabes éloquents. Il a dit, والله فإنهن قد بلغنا قاموس البحر. يعني c'est une expression qui veut dire t'as parlé avec des paroles extrêmement éloquentes, littéralement elles ont atteint les profondeurs de la mer, c'est-à-dire dans l'élocution et dans la force des sens, c'est des paroles très très fortes. Et il est devenu musulman comme ça. Je termine avec une autre histoire, comme on a cité cette histoire, une autre histoire d'un homme dans le Jahiliya qui s'appelle Yazid ibn Rukana. Et beaucoup disent Rukana seulement, il est connu avec Rukana. Il s'appelle Yazid ibn Rukana. Son histoire elle a été rapportée par l'imam al-Albani dans l'authentique de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Cet homme, il était décrit pour étant un homme très très fort, et très fort physiquement même. Et cet homme, il faisait des luttes. Musara'a. Faisait des luttes. Et cet homme n'a jamais été vaincu dans toute sa vie par quelqu'un. Comme il a dit lui-même, jamais personne ne m'a mis par terre. Et un jour, le Nabi alayhi salatu wassalam lui a dit, viens, on va faire une lutte, moi et toi. Et ils ont fait une lutte, lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Rukana il a dit, contre 100 brebis. Celui qui gagne, celui qui perd, il donne 100 brebis à celui qui gagne. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a accepté, ils ont fait la première lutte, et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a mis par terre. Pour lui, il y a quelque chose qui tourne pas en rond. Peut-être que le Nabi alayhi sallam l'a surpris. Il a dit, on fait une deuxième fois, contre 100 brebis. Et la deuxième fois, le Nabi sallallahu alayhi sallam l'a mis par terre. Il a dit une troisième fois. Et la troisième fois, le Nabi sallallahu alayhi sallam l'a mis par terre. 300 brebis. Et c'est là où il a dit, par Allah, jamais personne avant toi ne m'a mis par terre. Il lui a dit, avant d'entrer avec toi dans cette lutte, t'étais l'homme que je déteste le plus. Et maintenant t'es l'homme que j'aime le plus. Je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration hormis Allah. Et que t'es le messager prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est entré dans l'islam. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a accepté de lui l'islam. Et il n'a pas pris de lui les 300 brebis. Il lui a laissé ses brebis. Alayhi salatu wassalam. Et quelqu'un, il peut se dire, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un combat contre un gain. Ça veut dire, il y a quelqu'un qui perd et quelqu'un qui gagne. Et ça, on sait que dans l'islam, c'est pas autorisé. Alors, la réponse à ça, ou bien de dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam savait qu'il allait pas prendre, et c'était une manière de lui faire da'wah, ou de dire que ça, c'était autorisé dans le début de l'islam. Et c'est ce que disent la plupart des savants. Que ça, c'était autorisé dans le début de l'islam, et ça a été interdit par la suite. Ça a été interdit par la suite. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.